pleure pas maman. Ça n'en vaut pas la peine. Continuez encore. Ça revient à même. Je me suis toujours dit non. Tu n'en vaux pas la peine. Et rien là-dedans. Je te rejoins.